l'État souffre d'amnésie quand il s'agit des colonies. Demande des comptes sur l'Algérie et chaque fois les ex-colonies. Ils ont rayé la traite des Noirs de la plupart des cours d'histoire. Car expliquer le sang versé ferait dévaluer le compte l'ivoire. Bien assez de colons pour que le cimetière affiche complet. Mais pas assez de coton pour que cicatrise la plaie. C'est une loi de la science, t'imposes pas une fois qu'a pas de sens. Sinon chaque fois y'a défaillance, ça casse comme choc bois sur faïence. Un par un, le même refrain, ils essayent d'arrondir les angles. Quand les marins gagnaient leur pain sur un air de triangle. Mais sans tuler, rancœur de ces sanctuaires en pleurs. Que sans pudeur, ils ont putère traçant leurs frontières aux tuteurs. Des conquistadors ibériques qui ont pillé les temples inca. Et colons britanniques qui prennent panique, ni carlinde à temps plein. Au conflit ethnique qui ruine l'Afrique depuis t'as plein de cas. Ce bain de sang est tragique et y'a la queue sur le tremplin. Face à l'orgueil du missionnaire qui veulent la feuille du millionnaire. Et les guerres en terre étrangère, on amène l'œil du visionnaire. Combien de continents en errance, toujours en quête d'espérance. Après des siècles de souffrance, passe sous silence. N'oublions pas que toute histoire est écrite par le vainqueur. Aux 20h ils le disent parce qu'on ressent une balle en plein cœur. C'est là que j'ai su qu'il fallait faire gaffe à ce que je lisais dans les bouquins. Car si j'en crois ces ans pas faits, alors Jésus serait rouquin. Mytho de la Bible, tu veux me faire voir ce que tu penses être nos lois. Pourquoi pas faire croire à un noir que ses ancêtres sont gaulois. L'Occident est grand, mais je vois pas où est la victoire d'un continent qui a 100 ans confond des eaux et Afrique noire. C'est notre avenir qu'on délabre, j'éclaire l'âme comme un candélabre. Quand les glabres croisent le sabre avec ceux qu'on débarbe. Car malheureusement les armes poussent plus vite que les arbres. Tôt ou tard, tôt ou tard, on finit tous notre vie sous le marbre. Une polémique pour une chanson, le temps béni des colonies. Mais c'est pour distraire l'attention qu'on t'embellit des calomnies. Car pour ce qui est des munitions souterraines et l'économie, recherche dans chaque situation ce que l'on fait pas ce que l'on dit. Face à l'orgueil du missionnaire qui veulent la feuille du millionnaire. Et les guerres en terre étrangère, on amène l'œil du visionnaire. Combien de continents en errance, toujours en quête d'espérance. Après des siècles de souffrance, passe sous silence. Face à l'orgueil du missionnaire qui veulent la feuille du millionnaire. Et les guerres en terre étrangère, on amène l'œil du visionnaire. Combien de continents en errance, toujours en quête d'espérance. Après des siècles de souffrance, passe sous silence. Pas d'excès de cécité, quant aux véritables velléités de ces excités qui allaient réciter, ont préféré se désister. Tant l'atrocité préméditée, exécutée sans hésiter. Et cette non-sincérité, quand ils rédigent leur vérité, mérite qu'on s'érige vite avec ces vérités pour éviter de rééditer le passé assez et ses aspérités. Le pire, c'est qu'ils voudraient qu'on tire un trait sur le reflet de ce militaire distrait qui tire et réfléchit après. Il est temps que la France pense à s'acquitter de sa quittance. Je suis inquiet car pour l'instant, c'est pas Mickey, mais le chat qui danse. Je me laisse guider par mes idées, car du Liban à l'Érythrée. Combien de bambins mériteraient de quitter le banc des illettrés. Rêvons de faire ne serait-ce que le quart de nos études. Et moi qui ai maudit ces années, mais regarde entre nord et sud de la Méditerranée. L'équité souffre d'une fièvre d'équidée. Ça y est, ma plume s'est liquidée. Donc là-dessus je te laisse méditer.